Je perds la boule, je me noie, je coule, j'arrive au bout de sais pas quoi, derrière ce brouillard, je sais pas quoi. Je suis ma boule, maman, je m'écroule, faudrait que je te tienne et te retienne. Que tu me tiennes et me retiennes. Je veux plus qu'on me saoule. Je veux bouffer de la moule. Vite enlevez-moi ces poules. Je hais les foules, les poules qui roucoulent. Je veux partir loin. Dans un désert, rouler dans les dunes en hiver. Tout me chamboule, je fuis, je croule. Je voudrais tellement que tu me tiennes, que tu me tiennes et me retiennes. Je veux plus qu'on me saoule. Je veux bouffer de l'amour.